Putain, je veux raconter une histoire, les gars. À chaque fois que j'en parle, ça me brûle le cœur. Putain. Ok. J'ai envie de pleurer. C'est fou. Iva. L'autre jour, c'était un jour très beau. J'étais avec Non-Stop, Tito et Sato. On a lancé sur Inferno. Et y'avait même Nagano. Putain, je pensais vivre dans un rêve. Mais à mon rêve, y'a une trêve. Chaque jour, dans mon cœur, ça le crève. Ça me torture chaque fois que je me lève. Ils m'ont pas donné l'accès à CS2. Je pleure tout le temps, ça me brûle les yeux. Pourtant, zéro ban, je suis toujours pieux. Je balance des molotovs dans ma baraque, je mets le feu. Putain, je suis triste. Je lance des games tous les jours, je suis dans une matrix. J'espère c'est un miss. Et que très vite Valve, tout ça, ils vont le fixer. Masqué comme dans V pour Vendetta, j'ai prié en regardant le champ d'étoiles. Je voulais juste avoir accès à la bêta, mais je crois que ce jour, je ne m'entendais pas. J'ai acheté des caisses, et acheté des caisses, et acheté des clés, j'ai fini endetté. Je voulais le jeu, apparemment c'était en été. Et là, ça fait 10 ans que je joue au même jeu à la con, ça fait 10 ans que je fais le tour de Mirage. Je voulais avoir le deuxième opus, on m'a mis une vitesse abandonnée dans le virage. Waouh! Je vois Gabe et son doux visage, envoie un message. Je sais qu'il va pas me répondre, mais je lui dis. Laisse-moi jouer, là je t'en supplie. Les étoiles ont disparu cette nuit. Et moi je voulais jouer juste à CS2 depuis petit. Laisse-moi jouer, je t'en supplie. Dans l'obscurité d'un soir d'agonie, un protagoniste rongé par l'envie attendait un puissant, un cruel.